des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 16h. Les informations. Pierre-Yves Mogens avec vous, bonjour. La principale suspecte interpellée dans l'enquête sur les bonbonnes de gaz retrouvées à proximité de Notre-Dame de Paris était également connue en Belgique. La jeune femme apparaît aussi dans un autre dossier du parquet fédéral belge. Son nom est lié à une enquête sur des tentatives de départ en Syrie. Elle aurait pu être en contact avec des candidats belges qui souhaitent rallier les territoires contrôlés par les terroristes. Depuis 2 ans, une bonne centaine de personnes sans papier occupent un bâtiment désaffecté du boulevard Léopold II à Molenbeek, en région bruxelloise. Hommes, femmes et enfants, ils viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne. Leur demande d'asile a été refusée et ils vivent de débrouilles et de travail au noir. Jugeant l'immeuble insalubre, la bourgmestre de Molenbeek veut les voir partir pour le 15 septembre. La FGTB et la CSC soutiennent ces travailleurs sans droit. Le reportage de Philippe Carlo. C'est un immeuble de 5 étages du boulevard Léopold II à Molenbeek, une ancienne maison de repos désaffectée et occupée depuis environ 2 ans par des candidats déboutés du droit d'asile. Il y a l'eau et l'électricité, mais le confort est précaire. Aboubacar est le porte-parole de ces sans-papiers. Les conditions sont vraiment difficiles parce que ça fait des années qu'on souffre ici. Donc ça fait 2 ans qu'on est là dans ce bâtiment. On se bat vraiment difficilement, très très très très difficilement. La commune de Molenbeek s'appuie sur le rapport d'un ingénieur pour ordonner l'évacuation des 150 hommes, femmes et enfants pour le 15 septembre. Jean-François Tamellini, secrétaire général de la FGTB, parle lui d'une expulsion politique. Il y a des expulsions qui sont politiques, non pas liés à d'autres aspects, puisqu'on dit que le bâtiment est insalubre, ce qui n'est pas le cas. On est prêts, nous, syndicats, associations, à aider pour des petites rénovations, mais on voit qu'il y a une volonté politique de les exclure, et donc on est ici pour montrer notre soutien au travers de son papier. Une accusation réfutée par la bourgmestre et maire de Molenbeek. Pour Françoise Skepmans, il s'agit d'une question de sécurité. Nous avons constaté une dégradation importante de ce bâtiment, pouvant causer des accidents, et donc il en va de la sécurité de ses occupants. C'est pourquoi il y a un arrêté d'inhabitabilité qui a été pris. Les occupants se disent déterminés à rester dans les lieux jusqu'au bout, malgré les risques d'arrestation et d'expulsion du territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir après l'essai nucléaire nord-coréen. Une réunion à la demande des États-Unis et du Japon. Les 15 pays membres du Conseil se voient à 21h heure belge pour des consultations en urgence. La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire aujourd'hui, le 5e, le plus puissant aussi. D'après les médias officiels nord-coréens, ce dernier test a permis à Pyongyang d'atteindre son but. C'est la capacité de miniaturiser une ogive nucléaire de manière à pouvoir la monter sur un missile. Le Conseil de sécurité avait déjà condamné à l'unanimité mardi des tirs de missiles balistiques nord-coréens. La grande fête de l'athlétisme démarre ce soir à 19h au stade Roi Baudouin. C'est la 40e édition du mémorial Van Damme, l'un des plus grands meetings du monde. 45 000 spectateurs sont attendus. Nafitiam, la médaillée d'or de l'heptathlon JO, sera bien évidemment présente. Un podium supplémentaire aussi ce soir, celui du 4 x 100 mètres des Jeux de Pékin. Les relayeuses belges recevront leur médaille d'or 8 ans après. Et puis sur la piste, on surveillera également les frères Borlée. C'est la dernière sortie de l'année pour eux. Ce sera aussi la dernière course de la soirée à 21h55. Domenico Leone Blanchi, l'ancien président du club de foot de Mons, ne devra pas rembourser de subsides à la région wallonne. Le tribunal correctionnel de Mons a rendu son jugement ce midi. La justice estime qu'il n'est pas établi que les subsides aient été utilisés de manière illégale. L'affaire concernait 5 emplois subsidiés au sein d'une SBL qui est liée au club de foot de Mons. Mais dans les faits, ces employés travaillaient aussi pour la société anonyme, la société privée qui gérait le club montois. Au final, le tribunal n'y a donc rien vu d'illégal. Voilà qui referme ce journal. Belle soirée. Toute l'info est sur rtbf.be. Enfin, belle soirée, bel après-midi surtout. Belle fin d'après-midi avec vous, Walid. Merci, Pierre-Yves. Retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, nous sommes presque sérieux. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment, chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La dernière fois que Johnny Hallyday est venu à Bruxelles, il a fallu brader les places pour remplir le Palais 12. Et avec le Dalai Lama, c'est archi complet. Et il paraît que même Johnny Hallyday va se déguiser en Dalai Lama maintenant pour faire ses concerts. Pour pêcher plus vite, il verse de la javel dans la rivière. Pas mal ça. Et les truites sont mortes tout de suite, évidemment. Et au gendarme, il a dit qu'il voulait faire décolorer son pantalon dans l'eau de la rivière. C'est quoi ça, la politique de l'autruche? C'est une politique qui court vite? C'est une politique qui fait des gros œufs? Donald Trump, qui souhaiterait donc vaincre Daesh dans les 30 premiers jours de sa présidence, s'il est élu. T'arrives pas à battre Clinton et t'espères battre Daesh. Ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Je reprends, je note. Je note. Il fait un peu l'instituteur. Mais non, mais s'il est président, c'est qu'il a battu Clinton. Non, je suis désolé. Zemmour, il a cette bonne tête du mec qui s'est fait tirer le slip du pantalon 10 fois par jour par des gars plus forts que lui dans sa classe. Et ce, au moins jusqu'à ses 32 ans. À quoi, après tout, servent les amis, sinon à faire des petits arrangements? Etias et Stéphane s'arrangeront donc pour antidater un contrat et faire payer les 53 000 euros par la compagnie d'assurance et fêter tout ça autour d'un bon goûter. Alors, depuis lors, je vous avoue que chaque fois que j'entends qu'Etias propose des assurances Omnium sans franchise, je comprends un peu mieux le sens du mot franchise. La seule conclusion, en effet, à laquelle je parviens, c'est que le nom d'Etias provient d'une élégante contraction des mots éthique et chiasse. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai si on le prononce à la liégeoise. Hein. Ça doit donner alors quelque chose comme Etchas. Et pendant ce temps-là, le gouvernement tente en vain de joindre Caterpillar. Bonsoir Patrick. Oui, bonjour monsieur. Je souhaiterais parler à Kader, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes trompé de numéro. Vous êtes dans un bureau d'architecture ici. Je suis bien chez monsieur Pilar. Monsieur Pilar, non. Vous êtes chez la société Pilar aussi. Ah. Mais pas chez monsieur Pilar. On peut parler à Kader, là? Mais non, il n'y a pas de Kader qui travaille ici. Kader Pilar. Non, il n'y a pas de Kader Pilar ici. Ah, ok, merci bien. Okay. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Et oui, ça y est, notre Premier ministre est prêt à faire admirer aux Amerlocs son jeu d'entrejambes sur le ring de la mondialisation. Ça y est, il est prêt à en découdre, il est prêt à en débattre. Et pendant 1h30, eh bien, ils vont vous démontrer que le meilleur moyen de vaincre, c'est d'utiliser la farce de l'adversaire. Voici votre équipe de gros bras du jour prêt à en découdre. Lui, il n'a pas besoin de gros biscotto, non. Son tout nouvel humour sera très efficace pour faire plier les dirigeants de Caterpillar en deux. C'est Gilles Dalle. Bonjour. Hello, Walid. Tiens, elle, tout vos frères américains, non? Si. C'est notre chère Cynthia Isarelli, elle est avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour Walid. Quand on s'est gommé, eh bien on s'est également dégommé. C'est notre justicier qui signe son nom à la pointe du crayon, Frédéric Dubus. Appelez-moi l'étrangleur de Bruxelles. Tiens, s'il faut cuisiner les ricains, comptez sur lui. Il a une belle petite recette de langue de bluff. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Coucou. Et puis, Raoul Reyes. Ah oui, mieux que l'américain préparé. Lui, il en fait qu'une bouchée, l'américain. Qu'est-ce que vous mettez dans votre préparé? Hein? Enfin, une vraie question. Eh bien, écoutez... Est-ce qu'on met des petits cornichons? Non. La sauce Worcestershire. Des capres. Ah, des capres. Et des cornichons. Voilà, bientôt à table. Donc. Et de la sauce Worcestershire. Et l'émission a été rebaptisée. Donc, nous sommes presque sérieux. Émission préparée par Carole Baquet et réalisée par Laurent Nélissen. Merci à vous d'être presque sérieux. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. C'est presque sérieux. La première. Une grande enquête sur la com en politique, c'est au menu de C'est presque sérieux. On aura droit au dessin qu'il n'a pas fait, c'est Fred Dubus, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis une fois dans l'histoire sur la numérisation et l'emploi, signé Cynthia Isarelli, bien entendu. Il y a de fausses histoires de Vincent Flibustier, des histoires simplement dans l'histoire avec un grand H, avec Laurent Dehausset, de petits insolites et des études avec Raoul Reyers. Et des cadeaux. Et des cadeaux également. Nous vous invitons à jouer avec nous au qui a dit une phrase extraite et surtout reprise par pas mal de quotidiens aujourd'hui. Cette phrase, je vous la donne. Qui aurait pu dire c'est quoi Alep? À vous de nous donner le nom de la personne qui aurait pu prononcer cette phrase. C'est quoi Alep? Des propositions vous seront faites par nos chroniqueurs et nous vous offrons aujourd'hui Time's Up. Depuis 10 ans, il s'est imposé comme le jeu de référence, le jeu d'ambiance par excellence. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. Un jeu que nous vous offrons également. Trois d'entre vous seront tirés au sort sur notre page Facebook de C'est presque sérieux et auront le plaisir de repartir avec ce magnifique jeu en pensant à nous presque sérieusement. En attendant, presque sérieusement. Et en ce vendredi ensoleillé, place à la une du jour. C'est la une. Une du jour en chanson. Ouvrez les oreilles. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. I could escape this feeling with my China girl. D'un côté, Catherine avec Automobile et David Bowie, China Girl. On va démarrer avec Catherine, c'est parti. On parle donc d'automobile. Alors, j'allais le dire. Ouais. Il le dit tellement. Il a eu beaucoup de mal à apprendre les paroles. Automobile. Très facile à écrire. Bicycle, traduction. C'est une histoire de pollution. De la chanson de Queen. Une histoire de pollution ? Mm-hmm. Non, absolument pas. Plus de vélocipédistes à Bruxelles. Plus de. C'est un chouette mot. C'est un chouette mot. Vélocipédiste. Qui ça roule en grand bi. C'est ça. Vous c'est pas ça ? Non, absolument pas. C'est une question de nombre d'automobiles. Alors, il y a un nombre d'automobiles, c'est un impact forcément sur les embouteillages, mais il y a une décision, en tout cas une proposition de loi qui tend à arriver en Belgique. Sur la table en Belgique, effectivement. À Bruxelles ou pas que ? Ah, non, pas on va que. Interdire les voitures polluantes dès 2020 si vous avez ça un vieux moteur arriver, qui c'est pue. Pas ça. Non, si, ah, c'est si, pas si, la si. Suppression de la taxe kilométrique ? Non, c'était pas ça, non. C'est pas les voitures de société qui vont être augmentées ? Alors, les voitures de société, Gilles Dalle, elle est plus loin. Pour aller à une nouvelle législation qui fait qu'elles seront absconses et désuètes bientôt. Vélocipédistes, abscons et désuètes, quand vous voulez. Vous pouvez rentrer, vous avez fait votre quota. J'ai casé mes trois mots. Et c'est je bon. Suis, et je suis surannée. Et je suis fan. Je suis fan, ça effectivement. Me fait plaisir. Effectivement, on se rapproche de cette info. C'est le ministre Bello qui veut donc un budget mobilité pour remplacer les voitures de société. Bello. Comme les meubles. Bello. Mais on peut dire Bello si non, je on dit Bello. Bello oui. Alors qu'il y a deux L mais devant. Pas Bello, par exemple. Alors attendez, ça c'est une règle que notre linguiste pourrait nous raconter. Il y a deux L devant. On dit B ou B ? C'est comme vous dites par exemple XL et Bruxelles. C'est, moi je dis il faut voir au cas par cas. Voilà, exactement. On peut dire les deux. Mais surtout pour les noms propres. Ne théorisons pas. Un mauvais escient. Ah, vous ne vous mouillez pas, vous en tout cas. Ça en tout cas. Monsieur Capello. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. On va mettre 10 francs dans le Nourin. Monsieur Dallello. Le maître Capello du pauvre. On assiste effectivement à une croissance constante de la demande en mobilité, de la saturation du réseau routier. Et la Belgique perd bien des investissements à cause de cela. Et François Bello, hein, ministre MR en charge de la mobilité, qu'on embrasse. Fait sa rentrée en réaffirmant sa méthode. Les ministres fédéraux et régionaux doivent se mettre autour de la même table pour fixer donc une stratégie audacieuse. Ça va, on a la paix pour les 150 ans à venir. Si on se met autour de la table, on est bon. En plus, bon, on raconte qu'on va supprimer des lignes de train, mais bon, il va essayer de ne pas, parce que si les gens... Je crois qu'on aura supprimé le ministre avant d'avoir supprimé les lignes de train. Il va tirer la sonnette d'alarme. Alors, ils ont lancé une étude de ce qu'on appelle le budget mobilité, qui tiendra donc compte de l'intérêt des entreprises, des travailleurs et de l'État. Il faut donc plus de flexibilité en faveur, par exemple, du vélo électrique. C'est à l'étude. La Flandre et Bruxelles plaident pour une taxation au kilomètre, alors que la Wallonie freine. Les patrons qui ont des sociétés, je ne sais pas si... Voilà. Les patrons s'en foutent, vous dites, on a la paix pour les 40 ans à venir, le temps qu'ils discutent, vous savez. Le temps qu'on est... Oh là là. Vous qui êtes du Brabant Wallon, pourriez venir à vélo électrique, quand même. Écoutez, s'il y a une piste... Moi, je suis prêt à aller déposer mes enfants en voiture et venir à vélo. Ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'il faut recharger parce que c'est quand même un petit trajet. Donc, vous devez recharger ici à la RTB. Si tout le monde fait ça, ça coûtera. J'ai quand même 36 km. 36 km aller-retour. J'ai intérêt à me faire sponsoriser par Tom Bonnet, en tout cas d'aller voir son médecin. Quoi. Donc, voilà. Un vélo électrique, ça fait des 30 à l'heure. En moins d'une heure, vous avez fait le chemin. Mais c'est ça le problème, c'est en moins d'une heure. En moins de 48 heures, vous y êtes. Le problème, il est là. Bon, deuxième info, David Bowie, China Girl. Bon, à tout hasard, on parle de la Chine. On parle de la Chine, à tout hasard. Effectivement. Le hasard est bien fait. Les agressions qui ont frappé des Chinois à Paris récemment. C'est pas ça ? Non. J'essaye, moi je tente, c'est le jeu. Effectivement, on parle des Jeux Olympiques ? On parle des Jeux Olympiques avec des Chinois ? Non, non. Est-ce qu'on parle d'une fille chinoise ? Alors on parle pas d'une fille chinoise, Lama. On parle d'une entreprise chinoise. Ah, tout le monde en parle, une entreprise chinoise qui a dû s'excuser. Ah oui. Sorry. Parce que des gens sont morts. Des gens sont morts, non, mais ça a blessé beaucoup de personnes. Mais blessé dans leur cœur ou blessé... Bien sûr, j'ai le cœur qui saigne. Oui, c'est ça. C'est blessé dans le cœur, c'est pas comme des batteries qui explosent. Non, c'est pas, on vous a blessé, c'est pas Samsung, hein, si vous voulez parler du Galaxy. C'est blessant et c'est quelque chose qui revient très à la mode. C'est nauséabond. Oui. Les boules puantes ? Oh. C'est pas... Mais c'est un peu ça, c'est au niveau des idées, on est dans le même état d'esprit. Oui. Quoi. Ouais. Est-ce que ça, c'est parce qu'ils ont publié Mein Kampf? Voilà, j'allais dire, une version de Mein Kampf en chinois. Ou alors ils ont republié le petit livre rouge. C'est une histoire de racisme, Sinyeh Zarelli, et c'est un magazine d'Air China, qui s'excuse après un article raciste. L'éditeur du magazine s'excuse pour avoir... Ils ont traité les Chinois de face de citron. Non, pour avoir mal renseigné les lecteurs et porté donc atteinte à l'image d'Air China. L'éditeur d'un magazine de la compagnie aérienne d'Air China s'est excusé après avoir été accusé de faire donc des recommandations racistes aux passagers visitant Londres. La plupart des internautes chinois défendent cependant ces conseils controversés. Dans la dernière édition, le magazine Wings of China, Wings of China, on dirait qu'on est au cul là. Je peux avoir des Wings of China bon, sinon, je voudrais voir la version du racisme, oui, c'est ça. Version chinoise. Alors, Londres est de manière générale une destination sûre, cependant des précautions sont nécessaires lorsqu'on se rend dans des zones principalement peuplé d'Indiens, de Pakistanais, de personnes noires. C'est ce que préconise cette publication. Ah, c'est pas nous, c'est pas les Blancs, quoi. Non, mais donc voilà. Nous conseillons, c'est ce que dit ce magazine, aux touristes de ne pas sortir seuls la nuit et aux femmes d'être toujours accompagnées. C'est ce qu'on peut encore lire dans ce magazine, des recommandations qui ont donc suscité une vive réaction du député londonien, M. Sharma, originaire d'Inde et qui a émigré au Royaume-Uni dans les années 60. Il a accusé Air China de faire des recommandations racistes à ses voyageurs, choqués, consternés, et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué un scandale, monsieur. Donc du coup, ils ont présenté leurs excuses. Ils ne feraient pas ça avec la Belgique, avec tout ce qu'on a dans la rue, les policiers armés, les militaires, on ne risque rien, on peut sortir le soir. Venez en groupe avec vos appareils photo. Venez à la Grand Place, je veux dire, on a 200 mètres de la Grand Place, on a l'Arabie Saoudite, donc au niveau des paysements, vous serez tranquille. Un très grand piétonnier, voilà. C'est pas un des plus grands du monde. C'est ça. Vous pourrez construire la muraille de Chine. C'est un peu ça. Donc ça peut être sympa. Donc voilà, en attendant, ce sont les deux infos que nous souhaitions mettre en avant aujourd'hui. Et dans l'actualité, encore et toujours, eh bien, vous êtes mis à contribution avec une phrase que je vous propose sans plus attendre. Qui aurait pu dire « C'est quoi Alep ?» Alors, c'est quelqu'un qui a posé cette question. C'est quoi Alep ? Pris au dépourvu. Et cette personne, eh bien, là où l'une d'entre vous, en tout cas autour de la table, a la bonne réponse, ce sera un auditeur ou une auditrice de la première de nous le dire presque sérieusement. Venez à nous en nous envoyant tout simplement un petit SMS au 6031. Le code, c'est CPS, pour c'est presque sérieux. Envoyez tout ça au 6031, 75 centimes, le message, nom, prénom et adresse. Et vous repartirez avec cet excellent jeu. La maison d'édition belge de jeux de société, Repos Production, eh bien, ressort Time's Up. Et nous vous l'offrons, Time's Up, le jeu par excellence. Une ambiance de folie garantie presque sérieuse. C'est moi qui vous le dis. Venez jouer avec nous, vous inscrivez. Dans la suite, on s'intéresse à l'actualité vue par Gilles Dalle. Une grande enquête sur la communication en politique. Absolument, cette semaine. Un grand classique de Gilles Dalle. Oui, mais un angle nouveau. Ah, et bien, juste pour cet angle, je vous invite à rester avec nous. Vous continuez de vous intéresser à ceux qui font la communication et parfois la stratégie des politiques, ceux que vous aviez appelés les gourous de la com. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. La première présente Chacun sa place de Véronique Gallo au TTO à partir du 7 septembre. Alors, c'est l'histoire, très drôle évidemment, de deux sœurs et d'un frère qui organisent pour les 60 ans. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu. www.ttotheatre.be 02 510 0510 avec le soir. Quoi ? Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Suivre un cours du soir à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus ? Yann, professeur. De Netherlands Academy. La Netherlands Academy propose un programme 7 jours sur 7. Eén avond per week les. Une soirée par semaine en cours. De mogelijkheid om gratis onze conversatie. Ensuite, l'élève peut fréquenter gratuitement le club de conversation les autres jours de la semaine. Dat is ongezien. C'est du jamais vu. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Programme du soir, 7 jours sur 7, sur 4 mois. Info sur nedaka.be. La première. Mobile Info. À 16h19, on retrouve Antoine Binamé. Comment va-t-il, Antoine? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, Walid. Je vais très bien. Tu viens plus aux soirées? Écoutez, non, désolé, écoutez, non. Plus cool, cette émission. Je vous laisse avec Pierre Colarbovi, d'habitude. Écoutez, il est plus comme avant. Il amène toujours quelque chose à boire. Vous voyez, il amène Anne-Michel Vlouberg. Alors, dites-nous un petit peu, Antoine, que se passe-t-il sur la route? Mon Dieu. Eh bien, écoutez, ça ralentit sur le 411 Arlon. Namur à hauteur d'Abbé-Laneuve en cause des travaux. Vous perdez 15 minutes dans les deux directions. Ralentissement sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vous perdez actuellement une quarantaine de minutes en direction de l'Allemagne. Et puis coup d'œil sur le ring de la capitale en circulation extérieure. Zaventem-Grand Bigard, vous perdez actuellement une trentaine de minutes. Et une vingtaine de minutes, c'est le temps que vous perdez en circulation intérieure. Grand Bigard, Zaventem. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Allez, vendredi, nous prenons du plaisir. Belle fin de semaine à vous, presque sérieuse à l'écoute de la première. État d'esprit. Une fois par semaine. Quoi? Une fois par semaine, quoi? Non, nous prenons du plaisir. Bah oui, une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Bah, allez, dites. C'est mieux que rien. Ah oui, c'est mieux que rien. On a le bien qu'on se fait. Même si c'est une fois par semaine. Voilà. Hein, Fred Dubus, vous êtes avec nous. Bien servi que par soi-même. Donc, vous êtes avec nous et on aura le plaisir de découvrir ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, justement. Alors, si on prendra du plaisir. Attendez. En attendant. Le débat est ouvert. En attendant, on s'intéresse à l'actualité vue par Gilles Dallier aujourd'hui. Vous vouliez nous parler, une fois n'est pas coutume, d'une enquête parue cette semaine dans la presse qui concernait la com en politique. Ça y est, chers auditeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne m'adresse pas qu'à nos auditeurs car je ne veux pas stigmatiser ceux qui ne nous écoutent pas. Vous avez raison. Au nom du vivre ensemble et de la main tendue, je dirais donc plutôt ça y est, cher tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vais vous le dire. L'enquête la plus débile qui ait jamais été présentée dans la presse depuis l'origine du monde. C'est vous dire. Eh bien, ça y est, je l'ai trouvé. Alors bon, je ne vous parle pas d'une enquête d'opinion classique, comme on en lit tous les jours dans les journaux, du style « un caniche étranglé par une saucisse dans la banlieue de Béziti ». Réagissez, cela vous choque-t-il, oui ou non? Votez. Avec sous-question, faut-il réglementer la consommation de saucisses chez les caniches? Votez, réagissez, donnez votre avis. Et puis, sous-question, quelle saucisse pour quelle caniche à l'aube du troisième millénaire? Il faut faire attention avec les croquettes, hein, ça peut donner le cancer des testicules. Oui, on l'a appris à ça. Nous le notons. Oui. Il ne s'en remet pas. Ni d'une enquête comme un canari mort de froid dans un freezer dans la région de Herstal. Réagissez pour ou contre? Sous-question, faut-il engager des poursuites pénales contre les fabricants de freezer qui n'ont pas installé de dispositif anti-canari sur la porte de leur freezer? Sous-question, quel canari pour quel freezer à l'aube de quel troisième millénaire? Bref, je vous parle aujourd'hui d'un truc plus sérieux, messieurs, dames, dont la débilité frappe moins au premier abord. Ce truc, je vous le lis dès à présent, sans plus attendre ni tourner autour du pot en n'y allant pas par quatre chemins sans détour qui vont droit au but, car ce n'est pas mon genre de gagner du temps ni de parler pour ne rien dire. Voici l'objet de l'enquête, je cite, « La com politique a-t-elle pris le pas sur l'action politique ?» Ah oui, j'ai lu ça dans le vif, non ? Je ne citerai pas mes sources étant donné ce que je vais dire pour la suite. Jusque-là, inutile de nous faire des ennemis gratuitement, ouais. Jusque-là, rien à redire, hein, Walid, un bon vieux débat, hein. Classique et de fort bonne aloi, ma foi, un peu dans la même veine que le légendaire « Peut-on rire de tout ?» ou que l'inoxydable « Faut il rétablir la peine de mort pour les cas extrêmes ? La super précision quand même, pour les cas extrêmes, comme si jadis, quand elle n'avait pas encore été abolie, la peine de mort s'appliquait aux voleurs de Calipo. Bref, pour qu'il puisse s'exprimer au sujet de l'importance de la com en politique, les journalistes se sont adressés à devinez qui ? Des responsables politiques, évidemment. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, et qu'est-ce qu'ils ont répondu à votre avis, les responsables politiques ? Autour de la table. À la question, la com politique a-t-elle pris le pas sur l'action politique ? Ils ont répondu, non. Bah non. Surprise. Le seul à avoir répondu oui étant le mec qui a écrit un livre pour dénoncer le fait que la com avait pris le pas sur l'action politique. Et c'est là que je dis bravo. Vous imaginez l'élu qui répondrait, écoutez, oui, la com a tout à fait pris le pas sur l'action politique. Je baratine à longueur de journée comme un malade, même plus que c'est gros, plus que ça passe. Moi, je me dégoûte un peu, c'est comme ça, le système veut ça, j'ai pas le choix si je veux être réélu. Quel coup de génie quand même, aller demander à un représentant politique s'il ne fait pas trop de com, eh bien moi je vais aller de ce pas demander au pape si Dieu existe et au Dalai Lama si quelquefois il a envie de péter la gueule à quelqu'un et aussi au roi Philippe s'il considère que la monarchie est un bon système. Alors faut dire à ce sujet que dans le genre com du feu de Dieu, mon idole, une de mes idoles, Pascal Smet, a fait très très fort il y a 15 jours lors de la réouverture du tunnel Stéphanie. Oui, c'est le moment dans ma chronique de l'allusion au tunnel bruxellois. Ouais. C'est ça ou le Burkini, vous pouvez choisir. Ouais. Après 8 mois consacré à déboucher ce brol. Notre homme s'est vanté d'avoir été capable de faire ouvrir le tunnel pas moins de 3 jours avant la date prévue. Wow. Alors, bon, loin de moi de vouloir faire le lit de l'extrême droite, ou quoi, aux caisses, mais la ficelle est quand même un peu grosse. À ce moment-là, on pourrait dire, nous allons ouvrir le RER en l'an 4000, ou alors peut-être un peu plus tôt, si on travaille bien. Voilà, c'était une petite blague sur la durée du chantier du RER, c'est aussi un must. Voilà, là-dessus, bisous. Oh, ce nouvel humour est d'une grande qualité. Et moi, je... Ah, moi, je... Je signe. Ah, j'en veux encore. Ah, moi, mais oui, bien sûr. Oui, mais on m'accuse de me répéter dans cette émission. C'est pas vrai. Ah, ah non, c'est pas vrai. C'est, j'ai entendu c'est pas de la répétition, ça s'appelle un style. Vous dites la même chose, mais avec d'autres mots. C'est-à-dire que c'est-à-dire tout que aussi bien. Je réactualise. Mais vous avez bien il fait. Il reprend un vieux billet, il rajoute des allusions d'aujourd'hui. Et c'est comme le restaurant ouvert depuis 1984. Tout le monde fait la même chronique depuis 1984. Il suffit de repeindre un peu la façade. En mieux. Moi, je fais le même dessin depuis 20 ans. Je change les têtes, simplement. Eh bien, écoutez, on reste presque sérieux avec celui qui nous fait le plaisir d'être avec nous tous les jours ici sur la première. C'est Raoul Reyers. C'est un peu mon bras droit. Et quand vous avez vu son bras, vous dites waouh. Vous êtes bien équipé. Ça va trop loin, je quitte le studio. Et je l'adore. Tant que c'est pas sa main gauche. Alors, dites-nous un petit peu, que se passe-t-il dans l'actu du jour ? Ben, je sais pas, je vous ai déjà parlé de Monica ? Ouais, ça dépend, quelle Monica ? Ben, Monica, celle qui avale 8000 calories par jour. Ah oui. Pour atteindre le rêve de sa vie, peser 445 kilos. Ah ouais. Alors, quand Monica aura 130 kilos de plus, puisqu'elle n'en pèse pour le moment que 330 environ. Mmh. Encore un petit effort. Et donc, c'est pour être dépendante de son amoureux. Ah bon ? Et lui est ravi. Il a... Mais parce qu'à ce stade-là, elle ne pourra plus se lever. Oui, c'est et ça. Et pour que ce soit 445 tout pile, elle pourra avoir parce qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle ne pourra, elle pourra plus se lever. Jusqu'à 330, voilà, elle y arrive encore ? Et son mec est content. Il la gave à, il la gave à l'entonnoir. Il est aux anges. C'est pas vrai. Je vous jure qu'il non. la gave à l'entonnoir. C'est comme, un peu comme si un ouvrier de chez Caterpillar se réjouissait de la fermeture de sa société pour enfin jouir du chômage. Mais au moins, enfin, lui est sûr qu'elle ne va pas voir ailleurs. Oui, mais bon. Voilà. Non, mais on n'est jamais sûr de rien, monsieur. La bonne nouvelle, c'est qu'elle voudrait un enfant. Et vous imaginez, tiens, regarde, j'ai caché quelqu'un là. Moi qui étais revenu dans le studio, je le recite. Le type n'a même pas besoin d'aller se cacher dans l'armoire. C'est exactement ça. Bon, allez, une autre info, Raoul. Ça se passe en Chine. C'est ce qu'on appelle de l'humour gras. Merci, Cindy. Ça se passe en Chine. Madame Wang, c'est un nom d'emprunt. Tu aurais pu trouver un nom plus crédible. Elle s'est aperçue que son mari frouchelait un peu en dehors de la maison. Alors, comme elle n'a pas très envie de perdre son statut de femme mariée et la fortune de son mari, elle a fait appel à des agents secrets parce qu'en Chine, des espions anti-divorce éloignent les maîtresses pour 60 000 euros. Eh ben, ça vaut la peine quand même. Est-ce que c'est pas les espions chinois qui gavaient la femme d'avant? Ils éloignent, ils la tuent en fait. Ah non, c'est beaucoup plus malsain. Donc l'espion gagne la confiance. C'est déjà pas mal. L'espion gagne la confiance de la vilaine voleuse de Marie et avec des arguments qu'on n'ose même pas imaginer, il la convainc d'arrêter cette relation. Mon avis, il repart avec, si vous voulez. Oui, lui donne la moitié. Oui, lui donne 30 000. C'est pas bien, plus mal. Peut-être bien. Voilà. Ouais, et hop, le tour est joué, ni vu ni connu. C'était le premier métier de DSK, paraît-il. 60 000 euros. Lui, il s'est fait du pognon. 60 000 euros, ça fait beaucoup, hein, quand même, c'est cher. C'est en yens. Hein. Ah ouais. En fait, ça ne vaut rien. C'est équivalent de 20 euros. Merci Raoul Reyers. On s'informe à 16h30. Et puis, l'actu mise sur le tapis de l'humeur et de l'humour avec nos chroniqueurs du jour. Et cette phrase que je vous propose, c'est quoi Alep ? Le qui a dit, dans un instant, vous repartez avec Time's Up et vous vous inscrivez. Il vous reste encore quelques minutes. Le qui a dit, c'est avec l'un ou l'une d'entre vous. Tirage au sort dans 2 minutes, je le disais. Time's Up, c'est le jeu que nous vous offrons. CPS au 6031. C'est le code qu'il faut envoyer. À tout de suite. Ça se passe sur la première. Demain à 11h. Bientôt à table. Avec Sophie Moons. Le miel dans tous ses états, on en parle ce samedi. Depuis ses secrets de fabrication aux déclinaisons culinaires en passant par les miels chinois ou traficotés, nous vous dirons tout. Bientôt à table. Le samedi de 11h à midi sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Ça fait un moment que je pensais aux viagers, moi, pour compléter ma petite pension. J'ai contacté Trévis Viagers. Ben, ils étaient les seuls à me garantir un paiement sécurisé de mes rentes, avec leur nouvelle assurance Viagers. Avec cet argent, je suis plus serein pour l'avenir. Trévis Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Bon, vous êtes prêts? Les pianos droits à queue et digitaux? Les pianos neufs et d'occasion? Les prises imbattables? Eh ben c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes! Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui! Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y! Parfait, je réserve mon billet. Yes, yes, yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. Et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. La province de Liège, la Une et la Première présente Debout Citoyens. Rendez-vous le samedi 10 septembre, place Saint-Lambert. Au programme, le beau vélo de Ravel, concert gratuit d'Alice on the Roof, de Suarez et de l'Opéra Royal de Wallonie au grand complet. Rassemblons-nous pour vivre ensemble cette journée citoyenne. Plus d'infos, deboutcitoyens.be. Deboutcitoyens.be. Pour chaque idée de business, ING a une idée de financement. Exporter mes gaufres de Liège en Asie. Des gaufres fourrées au jasmin? Et en format mini pour les manger avec des baguettes. Vous avez des idées pour développer votre business? Découvrez nos solutions de financement innovantes sur ing.be/financement. La Première. 16h31. Et Pierre-Yves Meugens vous informe. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. 19 ans, arrêté hier près de Paris avec deux autres femmes alors qu'elles étaient visiblement sur le point de commettre une attaque violente. Son nom apparaît aussi dans un dossier terrorisme du parquet fédéral en Belgique. Elle a eu des contacts avec des Belges radicalisés installés à Charleroi. Elle a pu servir de facilitatrice pour des candidats au départ vers la Syrie. On découvre aussi que cette personne était en contact avec un homme lié au meurtre du prêtre de l'église de Saint-Étienne de Rouvray en juillet. La jeune femme est également la principale suspecte après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz le week-end dernier dans Paris. Le procureur de la République en France donnera une conférence de presse en fin de journée. Nous en reparlerons dans le journal de 17h et dans Soir Première. De très nombreuses entreprises se manifestent intéressées par les profils des travailleurs chez Caterpillar. Une réunion était organisée ce matin à Charleroi à l'initiative de Paul Magnette. Le ministre wallon de l'économie Jean-Claude Marcourt avait lui rendez-vous avec les représentants des principales banques du pays. L'objectif de cette rencontre était de se coordonner surtout au mieux pour venir en aide aux entreprises, aux sous-traitants et aux fournisseurs qui sont impactés par la fermeture du site de Gosselies, ainsi que les travailleurs qui pourrait rencontrer des difficultés financières. Dans Soir Première, nous recevons aujourd'hui Marc Romainville, spécialiste en pédagogie à l'Université de Namur. On va s'intéresser aux nouvelles formes de pédagogie. Sont-elles en phase avec les demandes du monde professionnel? Demandes qui favorisent souvent la compétition, notamment. Rendez-vous dans Soir Première. Merci Pierre-Yves, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur La Première, 16h-17h30, avec Walid. Rayons, jouons, amusons-nous et intéressons-nous à cette actualité du jour avec Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Vous travaillez pour... Oh, écoutez, vendredi, il fait beau, je vous ai au bout du fil, donc voilà, je suis entouré de belles personnes. Que demander de plus? Je travaille avec une équipe formidable, mes patrons sont géniaux. Je suis en bonne santé. Je veux dire, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Enfin, vous êtes encore en bonne santé. Et ne me portez pas la poisse, vous. Anne-Catherine, que demander de plus, sincèrement? Bah rien, c'est le bonheur. Hein. Voilà, c'est le bonheur, effectivement. Et le bonheur, on le partage ensemble, en tout cas pendant une heure et demie. Nous sommes presque sérieux, Anne-Catherine, avec vous, et nous intéressons à l'actualité du jour. Vous venez du côté de Wans, de Bazoa, c'est bien ça? Bazoa. C'est bien ça. Wans qui signifie cité marécageuse, si je ne dis pas de bêtises. Ah bon, je ne savais pas. C'est pour ça qu'Anne-Catherine est toujours en botte. Ah bon? Ah ben, on est ravis de le savoir. Vous travaillez pour l'IFA PME, ça va, ça se passe bien l'IFA PME? Super, j'ai un super boulot, franchement, oui. Vous avez des chouettes collègues? Oui, ça va aussi. Ouais, les patrons, semi. Bien. Bon, on n'a pas vraiment de patron, on est assez autonome, donc ça va, c'est gérable. Bah, c'est comme chez nous, en fait. On est assez autonome. Ah, on fait tout. Liberté totale. Ah, nous, on a une vraie liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, les métiers où on est libre sont de plus en plus rares. Vous êtes d'accord avec moi, Anne-Catherine? Oui, tout à fait. J'ai de la chance. Eh bien, jouons avec l'actualité du jour, avec cette phrase. C'est quoi Alep? C'est quelqu'un qui a été beaucoup trop en liberté, lui, par contre, hein, pour répondre, enfin, en tout cas pour poser cette question. Et on va vous faire des propositions à la clé pour vous, le jeu Time's Up. Anne-Catherine, écoutez la proposition que va vous faire Raoul Reyers. Oui. C'est quoi Alep? C'est une petite vieille dame qui demande, c'est quoi Alep? Bah, c'est du savon, ma petite dame lui a répondu, la vendeuse de chez Eddy. Une vendeuse. C'était ma vieille voisine et j'étais derrière. Non, c'est la petite dame du coup qui a demandé c'est quoi Alep. Ah, oui, c'est ça. C'est la vendeuse qui a répondu. À votre voisine. Oui, c'est ça. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle, j'ai oublié. Chose. Je vous embrasse. Vous direz, je n'ai pas de vieille voisine, je n'ai que des jeunes voisines. Ouais. C'est une image. Raoul vit dans un internat de jeunes filles. Vincent Flibustier, c'est quoi Alep? Ben, c'est quoi Alep? C'est ce que crie Jonathan Lejar à chaque fois qu'il a un accident avec sa Porsche. Alep! Alep! Aidez-moi! Je suis en paix! Donc c'est le pompier qui a sauvé Jonathan Lejar la dernière fois. Non, mais c'est en quoi tout cas, Alep? Son problème ne s'améliore pas. Non, Vincent Flibustier ou Jonathan Lejar? Il zozotait, mais non, il tête-tête. Il pépep. Jonathan Lejar pour Vincent Flibustier. Cindy Aizarelli, c'est quoi Alep? Ah non, c'est simplement Bachar el-Assad, champion du monde de mauvaise foi. Ouais, Bachar el-Assad pour Cindy Aizarelli. On va demander à Fred Dubus. Eh ben oui, écoutez, il a bien raison. C'est effectivement Bachar el-Assad interviewé sur la télé russe par Vladimir Poutine. Ah oui, Vladimir. Oui, donc, alors s'il y a deux fois cette réponse, c'est que c'est vraiment la vraie. Et on va demander à notre expert en communication politique. Je sens un sarcasme. Non. Allez-y. Il s'agit de Gary Johnson, l'ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique et candidat à la présidence des États-Unis pour le parti libertarien. Et pourquoi il l'aurait dit, Gary Johnson? C'est-à-dire qu'on lui demandait ce qu'il comptait faire avec la Syrie et il y a eu un petit flottement, mais il a demandé ce que c'était Caleb. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, posons la question maintenant à Anne-Catherine. Anne-Catherine, c'est quoi Alep? Je pense que c'est la dernière proposition, parce que je ne veux pas faire mon intello, mais j'écoute la première du matin au soir et j'ai entendu ça ce matin. Ah, on va vous rajouter une clé USB si vous avez dit ça. Un gant de toilette, la première. On va vous rajouter une clé USB et on va trouver autre chose. Et oui, il y a ces petits sacs à commission. Moi, je n'utilise que ça. Eh bien, on va vous envoyer ça aussi. Sigler la première. Eh ben, c'est formidable parce qu'en plus, les chiens ça fait ou quoi la publicité. Non, c'est des petits sacs... Comme disent les modeuses. Ah oui, mais j'en ai un comme ça. Ah, c'est très beau ça. Ah oui, j'en ai un. Eh bien, on vous envoie ça avec le jeu Time's Up et une clé USB, ma chère Anne-Catherine, puisque effectivement, on sait mettre deux pains dans ces sacs. c'est la bonne réponse. Deux grands carrés gris coupés. Gary Johnson, l'ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique et candidat donc à la présidence pour le parti libertarien. Peu de chance de gagner le scrutin vu ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Surtout, écoutez. What would you do if you were elected about Aleppo? About Aleppo. And what is Aleppo? C'est honteux. You're kidding. No. Ah bah voilà. Il faut dire qu'en anglais, Alep, c'est Aleppo. Tout de suite, ça fait Calippo. Il l'a appris en français. Il a entendu Calippo. Aleppo. Aleppo. En tout cas, un moment de gêne pour Monsieur Johnson, qui a ensuite tant bien que mal développé son point de vue sur la crise syrienne. Pour lui, la meilleure solution serait de s'allier avec la Russie. En tout cas, vous avez gagné Time's Up et vous repartez donc avec une clé USB et ce petit sac aux couleurs de la première, ma chère Anne-Catherine. Alors, vous êtes une privilégiée, puisque il y a très peu de personnes qui ont reçu ce petit sac. C'est unique. Je vais d'ailleurs le dédicacer. Non, on va le dédicacer. Et d'ailleurs, j'en offre un tout de suite, maintenant, par SMS. Vous envoyez simplement. C'est quoi Alep? Attendez, parce qu'on doit encore aller les voler dans la maison. Avec vos coordonnées. Non, vous envoyez simplement Alep. Non, on ne va pas jouer avec Alep. Vous envoyez sac. Deux grands pains gris carrés coupés. Non, vous nous envoyez le prix de deux pains. Deux ça grands dépend pains. Des endroits. Ah, bah oui, dans une boulangerie normale. On ne va pas se casser la tête. Envoyez simplement sac et on va vous offrir. Envoyez quelque chose. De toute façon, le but, c'est quand même avec vos d'empocher les prix des SMS. Et vous repartirez comme avec Anne-Catherine avec ce magnifique sac. Anne-Catherine, on vous embrasse. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses. Et à très vite. Oui, merci beaucoup. Et tiens, dans la suite, il fait le malin, tiens, depuis tout à l'heure. On va écouter et surtout on va voir ce qu'il n'a pas fait comme dessin aujourd'hui, c'est Fred Dubus. C'est presque sérieux sur la première. Alors, le dessin que vous n'avez pas fait cette semaine. Oui, j'ai trouvé la bonne planque. Alors, le dessin du jour, ça aurait pu être Roberto Doradio. Ah oui. Vous vous rappelez de Roberto Doradio? Ah oui. Ce syndicaliste version 1.0, hein, avant Doblet. Et il travaillait aux Forges de Clabec à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. À l'époque, on ne parlait pas encore de task force pour sauver ce qui peut l'être, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on parlait de force tout court. Je sais pas, à l'époque, on pétait les dents des curateurs et on n'utilisait pas les bulldozers comme trésors de guerre, mais pour aplatir les barrages de police. Ah bah oui. Voilà, la bonne vieille époque. Et notre ami déclare dans la DH aujourd'hui, il y a une interview exclusive de lui. Désormais, les syndicats ne se battent plus contre les patrons, mais bien contre le gouvernement. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que les syndicalistes font grève sur grève et qu'ils se mettent à dos la population. Un syndicat devrait travailler pour elle, pas contre elle. On sent une espèce de nostalgie comme ça, vous voyez. On sent qu'il a envie de revenir. Oui, c'est ça. Non, alors que c'était mieux avant, quoi. Le syndicalisme, c'était mieux avant quand les syndicalistes cassaient les dents des patrons plutôt que les couilles des citoyens. Ah ouais. Comment s'appelait encore ce patron? Et là, on peut pas tout à fait lui donner tort. C'était Zener. Zener, voilà. Alain Zener. C'était un curateur, pas un patron. Mais... Exact. Voilà. Et donc, c'est le dessin que vous n'auriez pas fait cette semaine. Voilà, mais que vous pourrez faire la semaine prochaine. Oh non, parce qu'on en parlera déjà plus demain. Mais les deux étaient devenus populaires, hein, et Doradio et Zener. On se rappelle d'Alain Zener avec ses gros yeux de grenouille. C'était dans quel camp? C'était aux Forges de Clabec. Dans quel je ne sais pas si vous n'étiez pas encore né. Non, j'avais 7 ans. Je me demande si la télé était déjà en couleur. Non, pas encore. Non, c'était en 97. Merci, mon cher Fred Dubus. On va s'intéresser maintenant à... Bah tiens, une étude, Raoul Reyers. Vous êtes tombé sur une étude. Récente. Mais une étude un peu flippante. Oui. Oui, je dois dire... Un petit café, Walid? Alors, je suis un grand consommateur de café. Dois être à une vingtaine de tasses par jour. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans notre petit café? Ah, ça, je vous le dis pas. Je parle de café, hein, pas de ces capsules en aluminium. Ah non, ça, non, du vrai café. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais avec le réchauffement de la planète, ça risque de disparaître. En tout cas, la moitié de la production en 2050 et totalement en 2080. Le café risque de devenir une denrée très rare. Ben, elle va disparaître. Bernic le Kawa. Oui, ce sera fini, mais enfin, ce sera plus là en 2080. Mais il faut penser aux sous-traitants aussi du café. Mmh. Pas de café, plus de nuages de lait. Ah oui. Ben, c'est fini, pas de café. Pas de café. Les meutes de la première, alors. Pas de morceaux de sucre. Ah ben, on mettra du thé. Ah voilà. Ah oui. C'est fini aussi. Pas de spéculoos sur la soucoupe. C'est vrai. C'est fini, ça. Les fabricants de touillettes. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Pas de Starbucks. C'est plutôt bien. C'est vrai qu'on n'a plus de café. Il y a toute l'économie qui s'effondre. Mmh. C'est comme Caterpillar. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tout le monde va devenir mou dans les bureaux, en tout cas dans le nôtre. Oui. C'est déjà changé. Alors, l'impact se fait déjà ressentir. Les prix sont beaucoup déjà plus élevés et augmentent de plus en plus, les prix du café. Et vous savez combien on boit de tasses par jour? Ça dépend. Ça dépend qui, surtout. Ça dépend qui, c'est ça que j'allais dire. Dans le monde. Dans le monde, il y a une moyenne de... 2,3. Non, moi je dirais qu'il y a 4 tasses par jour, 4 ou 5 tasses. 2 milliards de tasses. Ah non, mais attendez, par personne. Personne, ça dépend de l'individu, mais dans le monde entier, tu imagines. Oui, mais c'est ça. 2 milliards. Donc, calculer, on est combien de milliards? Ceux qui n'ont pas accès au café. 7 milliards, on est. Ouais. Alors, je pensais que c'était même plus, vu la vitesse à laquelle nos petits jetons de café foutent le camp du bureau. C'est vrai qu'on a tendance, alors je tiens à le dire, non pas aux auditeurs, mais à tous nos collègues qui nous écoutent, peut-être dans l'ascenseur de la première ou des couloirs de RTBF. On se demande, arrêtez de nous voler nos jetons. Ouais. Arrêtez. C'est très moche. C'est vrai. C'était le seul but de cette chronique. Qu'est-ce qui va nous rester si on n'a plus de café? Le whisky. La cocaïne. Oui, non, mais là, on va... Et bien, le whisky non plus, parce qu'il n'y a presque plus de tourbe sur Ailey, hein, l'île où on fait le whisky tourbé. Et donc, on est en donc manque on de café de pénurie, et de whisky. Oui, et qu'est-ce qui va nous rester? Le verre. Plus de verre. Pour boire le whisky. Ouais. Plus de verre, parce qu'on a construit tellement d'immeubles en béton et en ciment que le sable disparaît petit à petit. C'est pas une blague. Eh ben, dites donc. Bientôt, plus de plage à Ostende. Ça suffit, coupez-le. Déprime. Plus de bonheur, plus de joie. Nos auditeurs. Alors, on va tous mourir. Bientôt, plus de pims. On boira dans des gobelets. Merci à Raoul. De l'eau, plus de plastique. Mais il y en a plus d'eau. Allez, on continue cette aventure presque sérieuse après ce moment de déprime, un moment de joie et d'histoire. Avec Laurent Dosset qui vous invite. Plus qui nous invite à répondre à une question en rapport avec l'histoire de ce 9 septembre. On aura droit également aux histoires de Vincent Flibussier, une presque star et pas mal de moments de bonne humeur presque sérieux que nous partageons avec vous. Belle fin d'après-midi à l'écoute de La Première. Merci à vous d'être presque sérieux. Walid, sur La Première, c'est presque sérieux. l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. La première et tour des sites d'organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine vous font vivre un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info journeesdupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon avec le soutien de La Première et La Une. La Première. 16h45, vous êtes sur la route et que se passe-t-il sur nos routes? Réponse avec Antoine Binamé. Antoine? Oui, avec toujours des ralentissements engendrés par des travaux, que ce soit sur le 411 Arlon-Namur à hauteur d'Abbé-la-Neuve. Là, vous perdez une quinzaine de minutes en direction du Luxembourg et des travaux aussi sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, le chantier de Cherat. Comptez maintenant une heure supplémentaire en direction d'Aix-la-Chapelle. Accident sur le 42 Namur-Mons à hauteur d'Oudin, bande de gauche neutralisée vers Mons. Soyez prudents si vous circulez sur le 19 Mons-Bruxelles, peu après Aubourg, un véhicule est signalé en feu en bande d'arrêt d'urgence, mais évidemment un gros dégagement de fumée en direction de la capitale, soyez prudents. Et au niveau du ring, eh bien, circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, 30 minutes supplémentaires, ça va mieux en circulation intérieure Grand Bigard Zaventem, une quinzaine de minutes supplémentaires actuellement. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey Houston, on a un problème! Si les micros restaient ouverts, on apprendrait des choses. On apprendrait des choses. Ah, Raoul. Plein Raoul de choses. A des aujourd'hui, on a déjà sorti quelques trucs qui ne sont Raoul pas nous a parlé de ses 400 kilos de café en grains qu'il a volé avec les années. C'est à cause grain de lui. Bon, en attendant, on s'intéresse à l'histoire avec Laurent Dehaussée. Laurent Dehaussée qui vous donne rendez-vous, bien entendu, tous les jours de la semaine sur La Première, entre 13h30 et 14h30. L'histoire des populismes, c'est au sommaire de lundi. Mais aujourd'hui, l'histoire vous donne rendez-vous presque sérieusement avec une question en rapport avec ce 9 septembre. Écoutez. Un 9 septembre, Jean-Baptiste fit de moi un affreux fesse Mathieu. Que suis-je? Alors, ça sent le Molière, ça. Oui, c'est Poquelin. Poquelin, mais Quesaco. Oh. Fesse Mathieu. Qu'est-ce qu'un fesse Mathieu? Ça fit de moi un affreux fesse Mathieu. C'est un quelqu'un qui est tourné en ridicule. Et le bourgeois gentilhomme. C'est pas le bourgeois gentilhomme, non. Le malade imaginaire. C'est pas Tartare, n'est pas le malade imaginaire. Les femmes savantes. Non. C'est pas les précieuses ridicules. Toujours la même. Non. C'est pas le bourgeois gentilhomme. Le Cid. C'est le Cid. L'avare. Eh bien. Ah bah oui. Ah, vous me dites. L'avare. Oui. Vous dites quoi? L'avare. De qui? De Molière. Bah bien sûr, c'est gagné, bien joué. Effectivement, le 9 septembre 1968, Molière, Jean-Baptiste Molière. 1668. Mais j'ai eu un moment donné. Chipoté. Oh, ouais, 300 ans. J'ai un 6 qui s'est retourné. Trop de café. C'est un 9 à l'envers. Un 6, c'est un 9 à l'envers. C'est vrai. Crée donc l'avare ou l'école du mensonge au théâtre du Palais Royal. Alors, un fesse Mathieu, c'est synonyme d'avare, en fait, tout simplement. Un gripsou. Le nom du personnage principal de cette pièce est d'ailleurs également passé dans le langage usuel, puisqu'on parle d'un harpagon. Et vous allez nous donner l'origine du fesse Mathieu. Pourquoi? Alors, fesse Mathieu, pourquoi alors? Fesse. Et fesse. Mathieu. Parce que fesse et ah oui, Mathieu. Alors, parce que, c'est-à-dire que vous seriez à un moment donné... Bon, on va peut-être passer à autre chose. Je peux vous donner une explication. Allez-y. Et je vous la donnerai hors antenne. C'est un dérivé de face de Mathieu, en fait. C'est parce qu'il y avait un monsieur à l'époque qui s'appelait Mathieu, Saint Mathieu, qui était usurier. Voilà, moi je peux vous donner comme ça, usurier. Et non, en parce fait... qu'en fait, personne ne le sait. Non mais je vous le dis, Saint Mathieu était un homme qui était usurier, et c'est pour ça qu'on appelle... il montrait ses fesses pour gagner un petit peu de sous. Un fesse Mathieu. Voilà. Et donc maintenant, à la place de dire à quelqu'un, vous êtes un avare, un harpagon, vous n'avez qu'à lui dire, vous êtes un... Fesse-Mathieu. Ben voilà, c'est bien. Ça, c'est du gay savoir. C'est du gay savoir. Ça désarçonné. Voilà, l'envie d'économiser. On apprend en rigolant. Attendez, je vais regarder sur Google la vraie. Parce que... Non, mais je vous promets, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah oui. Ah, très, très bien. Et l'explication intermédiaire qu'on avait pas, c'est que... parce que Mathieu était un publicain, apparemment un publicain, oui. C'était le mec qui récoltait les impôts chez les Romains. Ah, voilà, il manquait un petit... Voilà. Et ouais, on prétendait chez les Romains reconnaître les prétors à leur visage. Donc c'est devenu face de Saint-Mathieu, face de Mathieu, fesse Mathieu. Voilà. Parce que les gens n'articulent pas. Mais voilà. Voilà, et surtout alors, dans l'ancien temps. Mais ouais, et alors, vous ne sentez pas plus grandi là. Faut pas stigmatiser l'ancien temps. Je me sens surtout très bête de ne pas vous avoir cru. Eh ben voilà, croyez-moi. Serrez-vous la main, embrassez. Grande leçon. On voilà. va s'embrasser hors antenne. C'est, vous voulez que je vous parle de quelque chose d'autre? Vous êtes un peu dissipé aujourd'hui, Walid. D'où vient le futur au fur et à mesure? Raconte-nous encore des histoires, tonton Walid. Je vais vous donner le nom d'une personne. Et vous allez me dire de qui il s'agit. Non, elle s'appelle Henrietta Green. Comme ça, sans transition. Voilà. C'est Henrietta Green. Henrietta Green. C'est la mère d'Eva Green ? Non. C'est pas une mafieuse ? Non, c'est elle a quelque chose de particulier. Elle a fait quelque chose en particulier. Elle est encore en vie ? Elle est... Alors, je ne pense pas qu'elle soit encore c'est en vie. C'est le vrai nom de Régine. Pourquoi elle est née en 1502 ? Non, il n'y a pas longtemps. Alors, elle a un rapport avec Molière ? 19e siècle. Elle a un rapport avec la thématique de l'avarice, oui. C'est une femme d'affaires. Plus immense avare du Une femme d'affaires, effectivement, une femme d'affaires. Quelqu'un qui est mort très riche. Surnommée la sorcière de Wall Street. Mmh. Alors. Ah, elle épousait des traders. Non, elle est rentrée dans le Guinness Book des records. Pour quelle raison? Elle avait amassé une fortune incroyable. Le lancer de Penny à travers ses narines. Non. C'est la personne qui a fait quelque chose de particulier. Cynthia, vous l'avez. Elle a inventé la bourse. Le plus grand nombre de placements fructueux dans sa vie. Surtout la personne la plus avare au monde. Elle est rentrée dans le Guinness Book des records pour cette raison. Surnommée donc la sorcière de Wall Street, c'était une Américaine richissime qui fit fortune au 19e siècle grâce à la spéculation boursière. Elle était d'une radinerie telle qu'elle n'utilisait jamais l'eau chaude, qu'elle n'allumait jamais le chauffage. Elle revendait ses journaux qu'elle venait de lire. Ah ouais. Elle ne se nourrissait que de porridge. Oui, elle ne se lavait jamais les mains. Et, ça, je comprends. Et son désir d'économiser sur une intervention chirurgicale a conduit à une gangrène et à l'amputation de la jambe de son fils. C'est bien. Donc elle n'a pas voulu lui faire une chirurgie. Du coup, on a amputé son fils. C'est combien ça coûte ? Il n'avait qu'à ne pas se cogner. Ah ben voilà, on en apprend des choses. Quand je pense que c'était ma marraine. Jamais un cadeau, rien. Petit souvenir, et c'est un morceau, et quel morceau, celui de Back to Black signé Amy Winehouse. Et dans la suite, on s'intéresse aux histoires de Vincent Flibustier. Vous êtes presque sérieux, tout comme Vincent, comme Raoul, comme Cynthia, comme Gilles, comme Fred, ce sont leurs prénoms, oui. Et Sac également, c'est ce que vous devez. Non, je vous explique ça. Attendez, je vais l'expliquer pendant le morceau, il n'y a pas de souci. Vous envoyez Sac par SMS au 6031 avec vos coordonnées complètes et on vous offre un sac aux couleurs de la première. Sac, S-A-C. C-P-E. Pas S-A-Q-U-E, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Sac. Il y en a 4, j'en offre 4. On me dit 4. Je vais parler pendant tout le morceau de. Si t'en as plus aucune limite. Oui, aujourd'hui nous sommes fous, c'est vendredi. Vous êtes de plus en plus punk, Walid. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Amy Winehouse, on va pas se priver de ce plaisir que celui de l'écouter juste au bon moment, c'est-à-dire au refrain. Ah mais, attends, c'est encore le refrain. Je reviens. Qui était Eva Greenwood, la moins radine du monde, qui dépensait 100 000 dollars par sandwich. Attention, il y a un moment donné où il faut couper. Attention, c'est maintenant. Non, c'est pas encore. Qui était? Non mais on va la laisser. Reyers. On va la laisser chanter. Et je vous conseille également Oscar and the Wolf qui a repris cette très beau morceau. Et puis une. C'est pas mal comme concept de partage. Non, maintenant. Il y a des projets pour le week-end. Oh, taisez-vous. morceau de 2006 signé Amy Winehouse, Back to Black, sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent Flibustier, deux histoires, comme presque chaque jour, vous nous racontez des histoires et l'une d'entre elles est vraie. La question, c'est de savoir laquelle. Ben oui, vu que l'opération Cap 48 a démarré, voici deux histoires de personnes handicapées formidables. Faire de son handicap une force, c'est un peu le credo de Gilda, atteinte du terrible syndrome de la chronique, mais également celui de Vladimir Zarnov, suite à un accident de voiture en 2012, il devient tétraplégique et pendant ses longs mois d'hospitalisation, il passe son temps à jouer au poker sur internet et gagne pas mal d'argent. Sorti de l'hôpital, il utilise l'argent gagné sur internet pour se rendre à Vegas et là pendant des mois, il écume les tournois de poker et en gagne beaucoup. Et vous comprenez bien pourquoi, vu qu'il n'a pas la moindre expression faciale, il bluffe hyper bien. Si bien que les gens sont vraiment des ordures parce que dans un casino, le Poséidon, des joueurs iront jusqu'à enlever la rampe d'accès du casino pour empêcher Vladimir Zarnov de rentrer. Comme quoi, les gens... Eh ben, dis donc, alors, là, ça fait peur, ça. Une histoire vraie ou presque. Écoutons la seconde, Vincent. Je vais vous poser deux questions. À votre avis, quel est le record du monde de distance au tir à l'arc? C'est-à-dire mettre la flèche en plein milieu de la cible. Oui, ben oui. Mais quelle est la distance? Mais je vais répondre. Walid. 300 mètres. Non. 100 mètres, 120 mètres. Non, moi je dirais 12. Mètres? Non, kilomètres. Kilomètres. Raoul. 50 mètres. Cynthia. 280 mètres. Eh bien, c'est Cynthia qui est la plus proche, c'est 238 mètres. C'est trois fois la tour Reyers, deux terrains de football. C'est vraiment beaucoup, surtout pour arriver à la mettre dans le mille. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le gars qui détient le record a une particularité, laquelle? Il est aveugle. Eh bien, il est handicapé. Oui, mais, il le fait avec la bouche. Il n'a aucune expression faciale. Il jette la fléchette avec sa bouche. Il n'a pas de bras. À 238 mètres. Il n'a pas de bras. Il le fait avec les pieds. Exactement. Avec les jambes. Il n'a pas de bras. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Il tend la corde avec ses pieds et cale l'arc sur son épaule. Vous ne direz plus jamais viser comme un pied. Eh ben, bah, dis donc. Si vous l'avez vu, c'est donc vrai. Ah, mais je pense que c'est ça. Alors, petit tour de table rapide. Première histoire avec Vladimir Zarnov, ce jour de poker, ou ce record de tir à l'arc. Raoul Reyers, première ou seconde. Tir à l'arc pour Raoul. Cynthia. Je mets bien l'histoire du poker. Allez, ok pour le poker, pour Cynthia, Gildal. La 2, monsieur. La deuxième et enfin Fred Dubus. La 2 aussi. La 2, c'est parti. Roulement de tambour, Vincent Flibustier. Première ou seconde histoire? Ben oui, c'était assez évident, mais j'avais vraiment envie de parler de ce monsieur. Il s'appelle Matt Stutzman, il a 33 ans et il détient depuis 3 ans le record du monde, donc même le Guinness l'a reconnu, de distance au tir à l'arc alors qu'il n'a pas de bras. Un documentaire a été tourné en 2013 sur sa vie, My Way to Olympia, et un peu comme Usain Bolt, il participe aux compétitions paralympiques mais également aux compétitions classiques puisqu'il est bien meilleur avec ses pieds que beaucoup avec leurs mains, et je trouvais ça vraiment dingue de dire qu'il n'y ait personne avec ses bras qui arrive à le battre. Il est vraiment hyper impressionnant, et Cap 48 vient de démarrer, je crois, donc oui, j'ai mis la photo et le lien du site du Guinness sur la page de l'émission. Eh bien, il y a déjà on va pouvoir voir bien ce monsieur. On va quand même le voir au bar parallèle. Hein. Et comme là, le disait moins, hein. Vincent Flibustier, faites un bel accueil aux bénévoles qui seront bientôt près de chez vous pour Cap 48. On s'informe à 17h et nous restons presque sérieux sur la première. Ne changez rien. Vos habitudes, à tout de suite. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Shopping. Dès 17h, je vais décompresser comme jamais. Le Woluwe Shopping m'offre le rendez-vous le plus zen de la semaine, les Happy Fridays. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Woluwe Shopping. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offert sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 kilomètres gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première. Météo. Belle fin de journée à tous. Le temps restera calme pour terminer cette semaine avec un ciel dégagé. La nuit sera étoilée avec des températures minimales comprises entre 11 et 14 degrés. Et puis demain, le soleil brillera de mille feux dès le matin. Puis quelques cirrus arriveront par la côte. Et dans l'après-midi, le voile nuageux va devenir de plus en plus dense, plus épais. Mais à l'avant, surtout l'est du pays, on conservera un temps pleinement ensoleillé. Les maxima varieront de 23 à 27 degrés. Une faible perturbation traversera le pays la nuit suivante. Dimanche, on aura quelques gouttes possible. Et puis les nuages progressivement vont s'évacuer par le nord. Les températures seront comprises entre 21 et 27 degrés. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. La principale suspecte interpellée hier soir en France dans le cadre de l'enquête sur la voiture chargée de bonbonnes de gaz retrouvée en plein Paris le week-end dernier, cette jeune femme apparaît également dans un dossier du parquet fédéral belge. Le point dans ce journal. Qui sont les spectateurs qui assisteront ce soir au mémorial Van Damme, ce grand meeting d'athlétisme qui se déroule au stade Roi Baudouin? Il y a des connaisseurs, bien sûr, mais pas seulement, vous l'entendrez. Un point sur vos conditions de circulation, c'est avec Antoine Binamé. Oui, avec le point noir ce soir, le ralentissement sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Chorat comptait presque une heure supplémentaire en direction de l'Allemagne. Les suites donc de ces interpellations en France. Trois jeunes femmes ont été interpellées hier soir. Radicalisées, fanatisées, elles préparaient, selon le ministre français de l'Intérieur, de nouvelles actions violentes et imminentes. Trois femmes impliquées dans l'enquête sur la voiture contenant des bonbonnes de gaz retrouvées le week-end dernier en plein Paris. L'une de ces femmes radicalisées était aussi fichée en Belgique. Et l'on apprend aussi, Patrick Michel, qu'elle était en contact avec un groupe de Charleroi. Elle s'appelle Inès Madani, elle a 19 ans. En janvier dernier, elle est entrée en contact avec un jeune de Charleroi. La toile de fond, ce sont des affaires de stupéfiants, mais les personnes concernées sont aussi radicalisées. Et les propos échangés sur les réseaux sociaux vont alerter les autorités judiciaires. Plusieurs individus seront arrêtés en deux étapes, dont le proche d'Inès Madani. Il est sous les verrous à Charleroi depuis mai dernier. Deux autres Carolo avaient aussi tenté de gagner les zones de combat en Syrie. Ils sont également en détention. Un soulagement pour les enquêteurs belges, car après les récents événements parisiens et les liens d'Inès Madani sur les réseaux sociaux, certains de ses amis auraient pu être tentés à leur tour de passer à l'acte. Les suites du dossier Caterpillar, de très nombreuses entreprises se manifestent, intéressées par les profils des travailleurs chez Caterpillar. Une réunion a été d'ailleurs organisée ce matin à Charleroi. Le ministre wallon de l'économie, Jean-Claude Marcourt, avait lui rendez-vous avec les représentants des principales banques du pays. L'objectif, c'est de se coordonner pour venir en aide aux entreprises, aux sous-traitants, aux fournisseurs qui sont impactés par la fermeture du site de Gosselies, ainsi bien sûr que les 2100 travailleurs. Le gouvernement wallon recevra par ailleurs un des grands patrons américains de Caterpillar mercredi prochain à Namur. Les ministres régionaux espèrent encore faire reculer le géant américain ou en tout cas le faire revenir en partie sur son intention de fermer le site de Gosselies. Si dans le mois qui vient, de nouvelles élections étaient organisées, pour quel parti voteriez-vous? C'est la question que l'Institut de sondage Dedicated a posée à un peu moins de 3000 électeurs belges répartis dans tout le pays. Ce baromètre des intentions de vote RTBF La Libre a été réalisé entre le 2 et le 6 septembre. La marge d'erreur maximale possible est de 3,2%. Alors, on commence, Pierre Magos, avec la Wallonie et un constat. La dégringolade du Parti Socialiste se confirme. La tendance enregistrée de sondage en sondage depuis les élections de mai 2014 se poursuit effectivement. Le PS ne récolte plus qu'un peu plus d'un quart des intentions de vote, alors qu'il y a deux ans, il représentait près d'un tiers du corps électoral. Et même si le MR continue lui aussi à perdre des plumes, il réduit son écart avec le rival socialiste. Les réformateurs talonnent désormais le PS à 2%, 2,5%. À l'inverse, la montée en puissance du PTB se confirme, aussi bien dans la perspective d'un nouveau scrutin régional que fédéral. Autour de 14%, le PTB PIB serait troisième parti en Wallonie, devant le CDH, qui n'a pas enrayé l'érosion des intentions de vote en sa faveur, mais qui reste devant Écolo. Le hit-parade entre les partis est très différent à Bruxelles, même si, Pierre, on retrouve des tendances qui sont comparables, n'est-ce pas, avec les intentions de vote en Wallonie. En résistant plutôt mieux, le MR supplante le Parti Socialiste depuis plusieurs sondages déjà. Un PS désormais pointé sous les 20% à Bruxelles. Sur la troisième marche du podium, c'est Écolo qui progresse le plus à près de 13%, devançant maintenant Défi, qui stagne, et le PTB, cinquième, en progression significative aux alentours de 7%, 7,5%, et au coude à coude avec le CDH, qui perdrait, si on en croit le sondage, 3% de ses électeurs par rapport à mai 2014. Enfin, Pierre, en Flandre, peu de changements par rapport aux tendances enregistrées depuis les dernières élections. Non, les trois partis, NVA, CDNV et OpenVLD, qui constituent la majorité régionale et l'aile flamande du gouvernement fédéral, ne se redressent pas. Le reflux de la NVA est parfaitement symétrique avec la progression du Vlaams Belang. Les socialistes et les verts flamands grignotent bien un petit peu par rapport à mai 2014, mais pour leur part, pas très significativement. Et voilà donc pour les principaux enseignements de notre baromètre des intentions de vote. Des enfants et des jeunes adultes confrontés à la dépression et au suicide, c'est le constat alarmant de l'ONG Save the Children en Syrie. Un rapport mettant en lumière la situation dramatique des mineurs d'âge à Madaya. Madaya, c'est cette ville assiégée depuis des mois par l'armée syrienne, Wahoub Fayoumi. Selon l'ONG, pas moins de 6 enfants ont tenté de se donner la mort ces 2 derniers mois. La plus jeune avait 12 ans, un constat glaçant. Kathleen Hale, responsable du bureau belge de Save the Children. On a aperçu en fait une tendance très négative par rapport non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé mentale des jeunes qui vivent dans les villes comme à Madaya, qui sont sujets au siège. Parmi les derniers mois, on a vu plusieurs cas de tentatives qui ont réussi de suicide. On voit ça parmi des jeunes qui n'ont pas d'espoir. En fait, ils ont perdu leur perspective d'un avenir normal. L'organisation humanitaire a pu recueillir le témoignage d'une enseignante à Madaya. Ses élèves ne chantent plus, ne rient plus. Ils dessinent des enfants morts. Manque de nourriture, maladie, détresse psychologique, les enfants sont aussi confrontés à l'évacuation forcée. La séparation, c'est la seule façon de les soigner ou de soigner leurs parents dans ces enclaves verrouillées. En fait, ce sont des milliers de personnes qui souffriraient de dépression et de maladies mentales en Syrie. Les ONG en dénombrent 250 000. Les enfants dans les enclaves assiégées comme Madaya ou Daraya sont les plus touchés. D'après l'UNICEF, un tiers des enfants syriens n'ont connu que la guerre et ont grandi dans un contexte de violence, de peur et de déracinement. Les portes du stade Roi Baudouin s'ouvrent en ce moment. 45 000 personnes vont s'installer en tribune pour suivre le Mémorial Van Damme ce soir. C'est la 40e édition du prestigieux meeting d'athlétisme. Il restait encore quelques places en vente au guichet cet après-midi et certains spectateurs sont arrivés bien à l'avance. Des connaisseurs, mais pas seulement. Arnaud Montero en a rencontré quelques-uns sur le plateau du Ezel. C'est la première fois qu'on vient assister au Van Damme. On vient soutenir Nafisa Diaou, par exemple. Nafisa Toutiam, excusez-moi. Donc je dis, il faut que je soutienne cette fille-là parce que, voilà, c'est super. Les petits Belges, on n'est pas des cons. À droite, vers le Kinépolis. Vers le Kinépolis, voilà. Ça, c'est fait. Merci. Je peux vous demander s'il y a déjà beaucoup de monde? Par rapport aux autres années, depuis midi, il y a déjà pas mal de monde qui vient demander, poser des questions, demander aussi s'il y a encore des tickets disponibles. Voilà. Donc, je peux vous demander ce que vous faites? J'essaie de trouver une place et je crois que ça va s'arranger. En plus, je croyais que c'était désespéré, puisque en général c'est assez comble. Et donc j'ai la chance d'avoir une charmante demoiselle déjà, et qui va me trouver une place. Donc les gens ne doivent pas désespérer, ils peuvent encore venir cet après-midi pour venir en chercher. Vous pensez jusqu'à quelle heure? Nous on sera là jusqu'à 8h. Le Mémorial Van Damme à suivre ce soir sur tous les médias de la RTBF. Cérémonie d'ouverture à 19h. Les athlètes du Team Belgique présents au JO de Rio seront notamment mis à l'honneur. Et puis les relayeuses belges du 4x100 mètres des Jeux de Pékin deviendront officiellement championnes olympiques. Elles recevront leur médaille d'or rendue par les Russes, dont une des relayeuses est tombée pour dopage. Très belle fin de journée, il est 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Merci d'être fidèle à la première. C'est presque sérieux, Walid. Tout le monde est là. Tout le monde est là et nos auditeurs également. Nous passons cette fin d'après-midi presque sérieusement avec vous, avec toute l'actu, rien que l'actu que nous décortiquons pour vos oreilles. C'est parti. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Prendre un peu de distance sur le monde qui nous entoure, redéfinir ce qu'est l'actualité aujourd'hui en utilisant bien une belle arme, celle qu'est le sourire. Ah, c'est gratuit en même temps, tout le monde peut rire. Hein, le visage de n'importe qui, c'est-à-dire c'est, le rire passe les frontières. C'est voilà, beau. Je note. Allez. C'est beau comme du Gilles Dahl. C'est ça. J'ai eu peur. C'est beau comme du Dahl. On dirait du Walid. Voilà, en tout cas, nous passons ces moments de joie et de bonne humeur en votre compagnie. Vous qui nous écoutez un peu partout en Belgique et voire même au-delà de nos frontières, puisque on sait que vous nous écoutez un peu partout. Au Kazakhstan, monde, à la Martinique. À l'Epo. Un peu partout. Via, dans le désert de Gobi. Via les podcasts de l'émission. À vérifier. Via justement le site de la première, lapremière.be en streaming. Merci à vous d'être presque sérieux et merci aux chroniqueurs de jour de vous accompagner. Merci à Raoul Reyers d'être avec nous. Bonjour Raoul. Oh, bonjour Walid. Vincent Flibussier est avec nous. Bonjour. Cynthia Isarelli également. Bonjour. Il y a Gilles Dahl. Quelle nouvelle. Ah bah écoutez, bonne nouvelle puisque Fred Dubus est également avec nous. Bonjour Fred Dubus. Je vous ai déjà dit bonjour. Bah, j'ai envie de vous redire bonjour. Eh bien, rebonjour. Peut-être des gens qui arrivent maintenant, il faut toujours être poli. Effectivement. C'est ce que ma mère m'a bonjour toujours à tous appris. Ceux qui arrivent. Allez, nous sommes presque sérieux et intéressons-nous à l'actu du jour. C'est presque sérieux. La première. Et ces fameux baromètres. Ah, Gilles Dahl, un jour, vous pourriez nous faire une chronique sur les baromètres. C'est pas mon genre. Je ne veux pas déstabiliser Vincent. Un baromètre qui m'attend au tournant. Politique, la Libre RTBF Dedicated est sorti ce matin, donnant les tendances en réponse à plusieurs questions. Et si tous les Belges pouvaient voter pour les mêmes partis ? Une autre question sur la proposition du vote des étrangers aux élections régionales et en ce qui concerne en tout cas une éventuelle fin du vote obligatoire en Belgique. On apprend d'après cette étude que 19% des Wallons sont prêts à voter pour la NVA. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information ? Cynthia Isarelli. 19% des Wallons sont décidément très mauvais en irlandais. Oui, mais c'est ça. Et Raoul Reyers, comment il pourrait la retitrer cette info ? Un cinquième des Wallons serait lobotomisé. Par ? Par la NVA. Oui, la NVA. Vincent Flibustier. 19% des veaux veulent aller à l'abattoir. Mm-hmm. Vous vous souvenez ce que le disait le général de Gaulle hein ? Je crois que c'est valable pour nous aussi. Merci Vincent. On va demander à Gilles Dahl. Coup de tonnerre dans le Landerneau. Je savais que ça vous plairait. Deux points, et puis vous balancez l'info. 19% des Wallons prêts à voter pour la NVA. Quand même, ces espèces de titres ridicules. Personne ne parle comme ça. Landerneau, écoutez. C'est mon titre. Ça, on ne le dit plus vraiment. Là. Oh, quand même. J'en ai encore repéré au mois de mai. Ah oui. À Landerneau. On va demander enfin à Fred Dubus. C'est un peu le même genre. Moi, je mettrais 19% des Wallons ont déjà fait l'amour dans les fesses. Ouais. Découvrez pourquoi en cliquant ici. Le résultat va vous surprendre. Vidéo. Un très beau sondage. Ce qu'on appelle effectivement un sondage. Avec quoi. Vidéo, photo et tout le bazar. Merci Fred Dubus. Et si on s'intéressait encore à l'actualité, c'était mais c'est une manière angle. De dire que 19% des Wallons se sont déjà fait entuber. On avait bien compris. On avait saisi. Merci. Non, mais je ne sais pas. Enfin, il n'avait pas l'air. Je crois que selon l'étude annuelle de Durex, c'est plutôt 24%. Merci Vincent Flibus voilà. Pour pouvoir apporter d'autres chiffres à cette étude. Affiner, remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est l'église au milieu du village. Allez, une presque star, c'est parti, elle est là avec nous. C'est presque sérieux sur la première. Il s'appelle Dorian, bonjour Dorian. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Eh bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous Dorian. On parle de vous dans la presse, mais pour quelle raison ? À nos chroniqueurs et à nos auditeurs de tenter de le découvrir. En tout cas, nos auditeurs, d'après les questions que vous allez poser, ils vont tenter de supputer la raison pour laquelle eh bien, on fait parler. Vous-même, hein ? Oui. Et je ne réponds à vos questions que par oui ou par non. Faites-vous plaisir, les amis. Est-ce que Dorian travaille le grès ? La couleur ? Le grès. Le grès. Non, la matière. Ah, là, non. Dorian Gray. Non. Est-ce que Dorian est un chanteur français assez connu ? Pensez à qui ? À Dorian. Il est trop fort. Assez connu dans son quartier. Non, c'est l'ancien guitariste de Dao. Il a fait 5 albums. L'eau minérale. Alors, est-ce non. Est-ce qu'il non. est artiste ? Artiste, on peut parler d'art, mais c'est pas. Tire à l'arc. Tisana ? À 230. C'est de l'événementiel. Il organise un événement. Pardon ? Il organise un événement. Il a organisé un événement. Et tire à l'arc avec ses dents. Non, c'était pas ça. J'ai un indice pour vous écouter. Ah, ça aide. Des feux d'artifice muets. Il a organisé une minute de silence. Ah non. Un grand concours international du roi du silence. Non plus. C'est un rapport avec le silence. C'est un rapport avec le silence, oui. ou avec le bruit. Un festival de musique acoustique. C'est-à-dire de musique non branchée, non amplifiée, où on joue tout doucement. Il n'y a que des mecs qui viennent siffler. On chante très bas. Festival du djembé. Est-ce qu'il organise des soirées en discothèque avec des casques pour ne pas avoir du bruit, chacun choisit sa musique. Il y a trois sets différents. C'est ça, Vincent Flibussier. C'est effectivement ça. Eh oui, Vincent Flibussier. Silence, on danse, une soirée dansante sans bruit. C'est. C'était très bien pour les voisins. C'était ce 8 septembre. C'était hier. Hein. Ça a marqué la fin de la Ducasse date, mais aussi la réouverture d'un café bien connu de la cité des géants, le Mogador. Et pour marquer le coup, le tenancier a organisé une silent party, une soirée silencieuse, la première organisée en plein air en Belgique, et Dorian est là pour nous en parler. C'est l'organisateur de cette soirée, l'organisateur de cette silent party. Dites-nous un petit peu, donc pas un bruit. Pas un bruit, la pas preuve. Un bruit du tout. Alors. Enfin, écoute, les voisins, eux, sont enchantés de la soirée. Ouais, bah oui, vous m'étonnez. Là, les voisins sont venus me remercier pour cette soirée qui était la plus silencieuse de Belgique. Pour quelques heures, 5 heures de silence. Il y a quand même des gens qui sont allés vomir sur les trottoirs quand même un peu après. Ah ben non, pas du tout. Oh. Justement, les gens étaient super super civilisés niveau propreté du site. je n'ai eu aucun problème de ce côté-là. Alors, voilà, exactement, tout à fait. Plus de 800 personnes. Le principe, rappelez-nous, il y avait 3 DJ, c'est bien ça? Alors, on avait 3 DJ qui jouaient simultanément. Donc, les casques peuvent contenir plus de 7 canaux. Donc, on peut même mettre 7 DJ si on le souhaite. Mm-hmm. L'idée, donc, c'était vraiment de mettre 3 ambiances différentes sur chaque canal. Et je pense que le public a vraiment apprécié la chose, parce que les gens chantaient sur le silence, c'était génial. Alors chanter sur le silence, ça fait du bruit, on est d'accord. Moi j'ai une question, est-ce que ça casse pas un peu l'ambiance d'être chacun dans son casque comme ça ? C'est horrible comme principe, moi je trouve ça abominable. Non, l'ambiance était là, oui. Parce que les gens se regardent, et alors le sourire, il faut voir le sourire des gens quand ils se regardent. Magnifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que le rire dépasse les frontières. Et pour draguer, comment on fait ? Ah bah oui. Alors, justement, on peut plus lécher l'oreille de sa partenaire tranquillement. Vous sans écoutez, hurler, c'est pratique. Ouais, quoi. Bah oui, il faut qu'on enlève le casque. Voilà, non, tu peux enlever un casque d'une oreille et puis garder l'autre. Et puis vous pouvez parler sans faire de bruit. Et pour le rock, on arrache le casque de sa partenaire. Il n'y avait pas le rock, justement. C'est des casques sans fil, j'espère. Ça n'existe plus. Est-ce qu'on ne ferait pas une soirée avec vivacité on pourrait choisir sa radio comme ça. Ah oui, ça peut être sympa. On écoute des trucs différents. Pourquoi pas, avec la première, vivacité, puis... Pure FM, ou Classique 21. Pure FM. Moi, voilà. J'adorerais danser sur Medical Fat le matin. C'est vrai qu'on peut... Sur Medical Fat le matin. Il va falloir l'image est bizarre. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, en tout cas. Drôle, ça doit être d'assister à ça sans casque. Et je me ferais un plaisir de venir organiser ça pour vous. Eh bien, écoutez, ça nous ferait bien plaisir, pourquoi pas. Et c'est vrai que, comme dit Fred Dubus, c'est très intéressant d'être là en qualité de spectateur et de voir les gens danser sans bruit. C'est comme arriver dans une soirée où tout le monde est bourré. Quand tu n'es pas bourré, c'est le seul pas bourré. Tout à fait, on avait des personnes qui étaient donc derrière les barrières Eras et qui nous demandaient ce qui se passait, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas au courant, et ça m'a un peu étonné parce que le plan média était énorme. Moi je pense que le public a vraiment adoré. Même les voisins l'ont dit, ils m'ont fait. Ça c'est une bonne accroche, ça c'est une bonne pub. Mes voisins sont contents. Oui. Ça c'est une bonne accroche. C'est bien connu pour la Ducasse, et la Ducasse, c'est 3 jours de Ducasse avec des basses à plein temps. C'est une soirée Ducasse ou une soirée sans casque? Et c'est sur cette vanne qu'on va remercier Dorian, on sent le professionnel. L'organisateur de Silence on danse. On mettra bien entendu toutes les infos sur la page Facebook de l'émission et sur le site de lapremière.be. Merci à vous Dorian, et continuez à faire du bruit. En tout cas, on a tenté d'en faire, nous, autour de votre événement, et on salue cet événement, et on se fera un plaisir d'ailleurs d'en organiser un ici à la RTBF. Tiens, ça pourrait être sympa. Et n'hésitez pas, je suis de tout cœur avec vous. Dès que possible, je serai là. Voilà, mais on n'a pas de budget. Ça vous fera de la pub. On en reparlera. Il n'y a pas de problème, on vous embrasse. Allez. C'est dans la suite. On continue à être presque sérieux avec Cynthia et Zarelli. Cynthia, vous allez nous faire entrer dans presque une fois dans l'histoire. Et on va parler de numérisation et d'emploi dans la suite de ces presque sérieux. Crois-tu en la destinée, Néo ? Non. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je... C'est presque sérieux, sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electrabel. Ancel, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la cité ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Voici les résultats semestriels de Belfius. 600 000 élèves bien assurés à l'école. 53 projets smart pour construire la Belgique de demain. 131 000 nouveaux clients actifs. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou même une nouvelle maison de soins dans votre quartier. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Vous êtes indépendant et comme tous les indépendants, vous êtes le premier debout et le dernier à fermer la boutique. Vous courez contre la montre et après les clients, vous êtes au four et au moulin. Vous ne demandez pas qu'on vous plaigne, non. Tout ce que vous demandez, c'est que vos partenaires soient aussi pros que vous. C'est pour ça que vous a créé les packs pro. Une gamme qui vous garantit une foule d'avantages pour faciliter la vie des indépendants. En ce moment, à l'achat d'un pack pro, recevez un super laptop Acer d'une valeur de 479 euros. L'outil idéal pour profiter de l'internet ultra rapide de vous. Plus d'infos sur vousbusiness.be ou au 0800 43 303. Offre soumise à condition. Waouh ! Vous avez entendu ça ? C'est le bruit des journées colossales de Colishop. Avec des réductions écrasantes jusqu'à moins 50% sur les armoires, les valises et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. La première. Mobile Info. 17h21, retrouvons Antoine Binamé pour faire un point sur vos conditions de circulation. Que se passe-t-il sur nos routes, Antoine ? Eh bien, toujours les suites de cet accident sur le 42 Namur-Mons à hauteur d'Oudin. Bande de gauche neutralisée défile depuis Manage en direction de Mons. Situation toujours compliquée sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Cherat. Comptez 50 minutes supplémentaires et 10 km de file vers l'Allemagne. Au niveau de Bruxelles, ça coince pas mal en circulation extérieure entre Anderlecht et Beyersel vers Ittre. A priori, vous perdez une bonne trentaine de minutes. En circulation intérieure, Grand Bigard-Zaventem, vous perdez actuellement 25 minutes. Ce sont les deux tronçons les plus ralentis. Et puis, si vous circulez dans Bruxelles, un véhicule nous est signalé en panne. C'est dans le tunnel Rogier. Bande de gauche neutralisée en direction du Midi. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première et la 3 présentent une jolie maison, un jardin coquet, une famille sans histoire, loin de la violence du monde. Si loin, la ville de Martin Cream. Un jeu de piste So British, mis en scène par Michael Delaunoy. Au rideau jusqu'au 30 septembre. Info rideaudebruxelles.be avec le soutien du journal Le Soir. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Caterpillar, AXA et maintenant IBM. Oui, ça licencie à tour de bras, robotisé au Royaume de Belgique. Et tandis que le petit travailleur est aux abois, eh bien, serrant fiévreusement sa tartine d'une main et sa carte de pointage de l'autre, une étude très sérieuse prédit qu'investir dans la numérisation en Belgique eh bien, permettrait de générer plus de 300 000 emplois d'ici 2020. Cynthia Isarelli est allée voir jusque-là. Eh bien, si c'était bien vrai, c'est reparti pour un nouvel épisode de Peut-être une fois dans l'histoire. Nous sommes le 9 septembre 2020. La Belgique va mal, mais bon, pas plus que d'habitude. Bienvenue sur la hotline nationale de l'emploi. Si vous êtes un robot actionnaire, tapez 1. Si vous êtes un robot ouvrier, tapez 2. Si vous rencontrez un bug avec votre robot syndicaliste, tapez dessus. Si vous souhaitez parler à notre dernier employé humain, faites le 0. Bureau des humains, bonjour, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Hein. Bah, vous êtes mon premier coup de fil ce mois-ci, j'ai plus trop l'habitude. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ça y est, vous avez perdu votre emploi. Ah, bon bah félicitations, hein. Félicitations et bienvenue. Alors dites-moi, ça faisait combien de temps que vous étiez en poste? Ah, 32 ans! Ah, bah dites donc! Et vous faisiez quoi, si c'est pas indiscret? Ah, bah oui, informaticien, bah oui, évidemment, pourquoi je pose la question? Vous êtes les derniers, hein? Non, mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Non, mais vous savez, c'est l'époque hein, qui veut ça, hein? Depuis la dernière mise à jour d'Android, bah les robots, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'autoprogramment, hein? Donc qu'est-ce que vous voulez? Hop, hein, à la porte, hein, les programmeurs. Bah oui, bah tenez, je devrais pas vous le dire, mais le mois dernier, j'ai eu tout IBM d'un coup. Bah oui, tout le monde, même le PDG. Il pleurait, le pauvre homme, il pleurait. Bah, faut dire, il s'est fait mettre à la porte par son propre laptop, quoi. C'est dur! Non mais vous avez raison, hein, monsieur, ces robots sont sans cœur, hein, sans cœur. Hein. Ah mais quand les actionnaires étaient encore des humains, on ne virait pas les gens froidement comme ça, hein, non. Hein. Il y avait encore moyen de leur arracher leur chemise au passage, hein, mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? On risque de se faire électrocuter. Enfin, bon. Mais revenons à nos moutons de panurge. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner votre adresse mail. Comme ça, moi, tout de suite, je vous envoie votre kit de démarrage. Comment ça, pourquoi faire? Bah, pour votre nouveau travail, hein, monsieur. Bah si qu'on a des jobs, bah bien sûr, mais sinon à quoi je servirais? Si, il y a des jobs, il y en a plein. Seulement ce sont des jobs augmentés. Non, c'est pas les salaires qui augmentent, les salaires il n'y en a plus. C'est juste le job. Bon, bah, la réalité augmentée, vous voyez, les Pokémon, tout ça. Eh bah, c'est le même. Bah, c'est-à-dire que moi, je vous envoie une paire de lunettes, vous les enfilez, vous appuyez sur le bouton, et puis après, bah, c'est tout comme si vous travailliez, mais en restant chez vous. Oui, comme du télétravail, monsieur, oui, sauf que vous ne devez rien faire. Ah ben, vous voyez, il n'y a pas que des désavantages au progrès. Hein. Et alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous ne devez plus faire la même chose. Hein. Vous pouvez choisir votre nouveau métier augmenté. Ça, c'est cadeau. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi, je regarde dans mon listing. Non, Diable Rouge, j'ai plus, non. J'ai gynécologue, oui. J'ai pilote de ligne. J'ai animateur radio. Oui, c'est un peu vieillot, mais les nostalgiques aiment encore bien. Comment? Premier ministre? Ah non, mais ça, c'est inclus d'office, hein, monsieur. Bah oui, c'est dans le programme. Hein. Bah, enfin, un premier ministre, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui porte des lunettes et qui reste assis. Voilà, donc on y est. Donc c'est inclus d'office. Bon, allez, je vous envoie tout ça. Bonne journée, monsieur. Bon courage pour votre fin de carrière augmentée. Et puis n'oubliez pas, hein. Job. Hein. Au revoir. Ah ouais. Bah voilà. Ça, c'est la réalité, en fait. Hein. Ça va nous arriver dans la gueule. Et ouais, ça va arriver très vite. Peut-être même en 2010. Ah, moi, j'étais en train de fermer les yeux, je m'imaginais un Cindy Ezerly. Merci d'avoir plombé l'ambiance. C'est sympathique. C'est Raoul avait déjà préparé le terrain. J'ai pensé à un bon fauteuil. Raoul est en train de se dire mais comment est-ce qu'on va me payer ma pension? Plus de café, plus de whisky et plus de job. C'est fini. En tout cas, merci à Cindy Ezerly. Une chronique que vous allez retrouver sur le site de La Première, lapremière.be. C'est parti pour le Philippe du jour. Cette conversation est terminée. Philippe de la semaine que vous allez décerner à une personnalité ou à une actualité qui vous a irrité cette semaine, Raoul Reyers. Un mumu. Ah ben... Vous avez vu cette histoire de ce pauvre garçon qui a fait dans un centre commercial un grand cœur avec 999 pomelos, vous voyez, c'est des pamplemousses verts. Ouais. Et il a pris le micro et il a déclaré sa flamme à Mumu, sa fiancée, enfin ce qu'il espérait être sa fiancée, qui a repris le micro. Qui a dit, bah, écoute, non, ce n'est pas possible, je ne t'aime pas comme ça. Et puis voilà. Et alors, ouais. Et là, elle a dit au client qui était là, parce que l'autre s'est tiré en vitesse, il avait un peu honte, elle a dit, servez-vous, prenez les fruits. Et voilà, tout le monde est parti. Je pense que c'est un coup de pub de quelqu'un, ça. C'est possible. Parce que prendre un micro dans une grande surface, moi qui ai essayé pendant des années, c'est impossible. Bah, le gars est parti un peu honteux, semble-t-il. Oui, mais c'est ce que je faisais. De la radio, vous vous êtes dit, allez, je vais essayer comme ça. Moi, être repéré. Oui, moi, à un moment donné, je voulais parler dans le micro. Donc, dès que je voyais un micro, hop, je sautais dessus. Il faut qu'il y ait un producteur dans la salle. Voilà, Vincent Flibussier. Ben, moi, c'est Cuba. Je sais pas si vous avez vu ça, ce beau pays que les gens du PTB aiment tant. Ils ont mis un filtre sur les SMS quand il y a le mot démocratie, droit de l'homme ou d'autres mots comme ça, les SMS n'arrivent plus à destination, ils sont bloqués. Donc voilà, histoire d'empêcher les gens de discuter de démocratie. On peut trouver d'autres mots, mots-clés. Oui, ils vont trouver. Alors, des codes. Cindy Ezerly, Philippe de la semaine. Moi, c'est un Philippe général à tous ceux qui ont dit non au droit de vote des étrangers au régional. Merci Cindy. Gildal. Le mec qui a écrit ce titre, fin des frais d'itinérance dans l'UE, Juncker demande à la Commission de revoir sa copie. Revoir sa copie. Ça, c'est bon. Merci. Ça pourrait être aboli, monsieur. Et enfin, Fred Dubus. C'est cette jeune fille de 19 ans qui s'est fait arrêter pour avoir laissé des bonbonnes de gaz dans une voiture. Oui. Alors, on ne précise pas que la voiture était sans plaque et avec les clignotants. Oui. Voilà. c'est du gâche métier ça, parce que franchement, ils ne sont pas des pros. Merci non, Fred Debus. Et on salue Nicolas de Rixensart, Mélanie de Sautin, Gauthier de Teux et Fabrice de Halos qui repartent. Et je lis ce qu'il y a sur ma feuille avec ce sac à commission, la première. Ouais. Alors ne faites pas ce que. Oui, parce que moi, dès que je vois commission, bah. C'est la voilà. Grosse. Je ne sais pas, bah oui, mais en tout cas, le un sac beau sac. Pas si petit. Au cours de la première, faites-vous plaisir. Et nous serons de retour demain pour le best-of et lundi en direct pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Et rendez-vous également demain sur la Une. Pour un 7 à l'une spécial avec une interview exclusive du Dalai Lama. Très très belle rencontre de François Mazur. C'est encore Gilles Dal. Ouais, en tout cas, passez une belle fin d'après-midi sur la première. Rendez-vous avec Soir Première sans plus attendre avec Arnaud et Sena demain. Ah ouais, demain et lundi aussi. Et dimanche. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Je vous proposerai de clôturer la semaine avec quelques disques récents, le Summer Ensemble par exemple, ou encore le disque Seagull Tango du Diap Quintet, plus d'autres choses. Soyez curieux, soyez des nôtres. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Comment vous voulez représenter, vous, les résultats d'une banque? Des messieurs en costume dans une grande salle de réunion? Un rapport énorme avec des graphiques très compliqués? Il y a une façon plus simple de les montrer, ces résultats. Les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises où vous travaillez, les piscines publiques, les pistes cyclables, ça aussi, ce sont les résultats de Belfius. À côté de nos 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Belfius.